soudain. Laissez-le, c'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutre, tu regardes la télé. Allez, sortez de là, on en a rien à branler. Vive l'anarchie. Images du livre. Est-ce qu'on va sortir faire un petit tour dans la suite pour lui pâté de maison comme un vieux livre c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Melquiades arrive à La Guerre, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Etienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 895 de Dio. Si vous nous rejoignez en ce lundi 23 septembre 2024, démodé son sensible actualité politique, sociale et culturelle pour vous accompagner en ce lundi, une nouvelle semaine qui s'ouvre tout au long de cette semaine, et lundi, mardi, jeudi, 12h, 13h en direct, rediffusion 19h et le lendemain en matinale dès 8h. Démodé son sensible actu culturelle en ce lundi 23 septembre. Fermez les yeux, vous y verrez plus clair. Voilà, ce sera d'abord pour écouter ce programme et le 895 de Dio, mais c'est surtout le spectacle qui va être proposé en sorte de lancement de saison de la Comédie Saint-Étienne, qui précisément lançait officiellement son lancement de saison fin de semaine dernière, vendredi dernier. Et peut-être avez-vous eu l'occasion d'y participer, d'être présent et donc d'assister aussi à cette préparation de plateau, décor, avant une résidence qui commence d'ailleurs aujourd'hui même pour 15 jours. Résidence, dernier préparatif avant les représentations qui vont se dérouler du 8 au 12 octobre prochain du spectacle Fermez les yeux, vous y verrez plus clair, d'Ella et Pitre. Ella et Pitre que l'on connaît bien sûr par leur travail plastique visible dans l'espace public et très présent à Saint-Étienne et qui se lance dans ce spectacle performance que vous aurez l'occasion de découvrir à la Comédie de Saint-Étienne du 8 au 12 octobre prochain. Nous les avons rencontrés vendredi dernier précisément au plateau ou presque, l'occasion d'une petite rencontre interview et nous parler donc de leur actualité et notamment et en l'occurrence de ce spectacle qui sera joué à la Comédie donc début octobre prochain. Large entretien auprès d'Ella et Pitre, ce sera l'essentiel menu contenu de ce programme aujourd'hui. D'autres infos à vous faire part durant ce programme. Une heure à passer ensemble, ou presque. Nous allons ouvrir comme à notre habitude avec nos découvertes partenariats Ferrarock cette semaine. La Ferrarock qui vous propose notamment et qui nous propose de découvrir cet album qui vient tout juste de paraître. C'était ce vendredi dernier, donc fin de semaine dernière. Nouvel album du groupe We Hate You Please Die. L'album Chamber Songs, qui est sorti ce 20 septembre, des textes toujours très engagés, enragés, sous influence punk, voire Riot Girls, pourquoi pas, oui, le dire ainsi, avec Chloé, Mathilde et Joseph, le trio donc de retour avec cet album, le trio rouennais, ils sont de Rouen, on le rappelle. Je vous propose de découvrir cet album via un titre extrait donc de Chamber Songs, le titre Stronger Than Ever, deuxième plage de cet album, chanson féministe qui prône la liberté. C'est la découverte Ferrarock cette semaine. Des mots, des sons sensibles, c'est parti. Size. And she feels judged by them, whatever she says. Surround herself by nothing but kindness and empathy. Yeah, kindness and empathy. She doesn't need your validation. She's gonna be herself. She knows what she's doing. She feels strong. C'est 8, 8, You Please Die. Et c'est validé sur le 8-9-5 de Dieu pour cette découverte et ce partenariat Ferrarock cette semaine. Vous allez en entendre parler, réentendre parler sur notre antenne, ça c'est certain. Le trio de Rouen donc, qui a sorti ce 20 septembre dernier, vendredi dernier, cet album Chamber Songs. Et voilà, c'est une sorte d'exutoire comme ça. Avec, je le disais, alors peut-être cependant Riot Girls, en tout cas un peu croque féministe assez certain, illustration à l'instant avec ce Stronger Than Ever, chanson qui prône la liberté, mais d'autres titres comme Control pour un hymne véritablement pour le droit à l'avortement, ou encore Sorority qui est un appel à la sororité comme son titre l'indique, un beau visuel, belle pochette, hein. On aperçoit une femme de dos écrivant dans son journal intime, voilà, et il y est question d'amour, relations toxiques, sexe, dépression et j'en passe. Chloé Mathilde Joseph, We Hate You Please Die, Chamber Songs, donc nouvel album via le label NMS. En découverte Ferrarock cette semaine et vous aurez l'occasion de les voir puisque une tournée s'entame et s'engage pour défendre ce nouvel album. On aura l'occasion d'en reparler mais on en parle de suite avec notamment, vous le savez, via ces découvertes et partenariats Ferrarock, ce sont des temps de présentation, de diffusion bien sûr, de programmation mais aussi de jeux concours et en lieu et place de... d'albums traditionnellement comme on vous propose, eh bien c'est une place de concert, des places de concert que nous avons à vous faire gagner pour la date de du concert de We Hate You Please Die. Par contre, ça se déroulera du côté de Paris à la Maroquinerie le 7 novembre, mais pourquoi pas, voilà, si l'agenda vous le permet, vous rendre à ce concert à la Maroquinerie le 7 novembre prochain de We Hate You Please Die. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à redac@radiodio.org. We Hate You Please Die, ainsi que l'album d'Anna, The Fun, qui est sorti également ce 20 septembre dernier via Alling Banana Records, mais d'autres aussi. C'est une véritable coproduction, collectif Télécascade, Another Record, Les 10 du Paradis, donc qui assure la sortie de cet album d'Anna, The Fun. Ce sont les deux découvertes partenariat cette semaine de la Ferra Rock. Vous en saurez davantage en vous rendant sur le site dédié ferrarock.org et en écoutant bien sûr le programme Dig Dig Diggers, comme chaque fin de semaine, chaque vendredi, avec un entretien réalisé auprès de Anna par Ludo de Radio Béton, et rencontre auprès de We Hate You Please Die avec Mathieu de West Track, et puis un petit module live qui sera à découvrir cette fin de semaine pour Dig Dig Diggers, donc le vendredi 12h-19h sur l'antenne du 895 de Dio. Des modés sont sensibles aujourd'hui, qui s'ouvrent sous forme d'agenda, avec voilà, petite sélection faite de rendez-vous à vous proposer cette semaine. Sur le 895 de Dio, nous parlerons politique de la ville avec une émission qui sera enregistrée ce mercredi du côté de Rive-de-Gier, et vous suivrez ce programme co-réalisé avec Radio Andenne du côté de Firminy. Ce sera ce jeudi dans ce même créneau. Demain, pour l'autre rendez-vous diophonique, et vous annoncez d'emblée le programme sensible de cette semaine, nous parlerons à nouveau culture et jazz avec le Rhino Jazz, rendez-vous habituel, nouvelle édition 2024 qui va débuter ce samedi 28 septembre et tout au long du mois d'octobre. Nous aurons l'occasion d'accueillir Ludovic Chazalon, programmateur du Rhino Jazz. Ce sera ce mardi, donc ce 24 septembre, dans ce même créneau. D'autres infos et rendez-vous sélectionnés pour cette semaine, voilà, autant vous annoncer aussi ce qui va se dérouler tout au long de cette semaine et des rendez-vous sur lesquels éventuellement vous pouvez vous rendre. Eh bien, vous annoncez par exemple cette soirée rencontre-projection du côté de la Cinémathèque de Saint-Étienne. Là aussi, une nouvelle saison qui s'ouvre en projection du côté de la Cinémathèque, qui est toujours, on va dire, de beaux rendez-vous en perspective, en partenariat, coproduction, carte blanche, et vous le savez, sous forme bien souvent et même intégralement de gratuité. Eh bien, Regard croisé sur la prison, c'est un rendez-vous de la Cinémathèque de ce mardi 24 septembre avec un programme de court-métrage qui a été réalisé en partenariat avec l'association Sauf qui peut le court-métrage, et une séance ou des séances qui seront animées par l'association Groupe Prison Saint-Étienne, donc suivi d'échanges avec le public, et également la présence de professionnels œuvrant auprès des personnes sous main de justice. Regard croisé sur la prison, dedans dehors, intitulé de cette séance prévue ce 24 septembre à 19h, avec quatre courts-métrages prévus en projection. Le film Norte de Javier Garcia, un film espagnol de 2015. Le film Marlon de Jessica Palu, film belge ou franco-belge de 2017. Baltringue de Joshua Jambé. Et puis Nos jours absolument doivent être illuminés, un film documentaire de Jean-Gabriel Perriot. Voilà, une sorte là aussi de documentaire qui revient sur des détenus qui chantent depuis l'intérieur de la maison d'arrêt d'Orléans pour le public venu les écouter de l'autre côté du mur. Voilà pour ces quatre films courts-métrages projetés dans le cadre de ces Regards croisés sur la prison, dedans dehors, mardi 24 septembre, 19h, Cinémathèque de Saint-Étienne. On vous le rappelle, situé bien sûr, quartier Tarentaise, Beaubrun. Autre soirée rencontre et débat autour du logement. Spéculation, expulsion, gentrification, squat, c'est un événement proposé par la brasserie indépendante montbrisonnaise Alors on voulait tout de même vous annoncer ce rendez-vous plus qu'intéressant, même si cela se déroule non pas véritablement sur Saint-Étienne, mais du côté de la plaine du Forêt et du côté un peu plus au nord de Montbrison plus précisément. La brasserie indépendante montbrisonnaise située 2 rue de Feur. L'entrée y est libre pour ce vendredi à partir de 18h. C'est le collectif Service après vote qui propose de venir échanger, débattre, écouter, vous informer même sur le thème du logement, donc ce vendredi 27 septembre. Une soirée qui mettra l'accent sur les façons d'habiter, les enjeux liés au logement et qui devrait ouvrir des pistes de réflexion sur les squats, le militantisme, la gentrification, etc. Et avec au programme notamment et en présence de l'auteur, le livre « Squat et pirates ». Et puis la présentation de la situation du logement formel et informel en France et dans la Loire par Fanny Gagnère et Eva Potier. Voilà, ça se passe donc à Montbrison, à la brasserie indépendante montbrisonnaise, ce vendredi 27 septembre à partir de 18h. On revient à Saint-Étienne pour un rendez-vous donc beaucoup plus proche, géographiquement et dans le temps, non pas vendredi, mais ce mardi 24 septembre. C'est à l'occasion, on l'a déjà annoncé hein, d'ailleurs, et je l'ai fait dans ce même programme, c'est à l'occasion de la parution de son second recueil poétique, « Époque de plomb », dans la collection Sorcières Cambourakis. C'est la librairie L'une et l'autre qui propose une lecture rencontre avec Flora Souchier, qui viendra lire donc des extraits de son nouveau livre et échanger avec le public présent autour de quelques vers, vers à la fois en poésie et aussi pour se sustenter. C'est à la librairie L'une et l'autre, ce mardi 24 septembre donc. Ne manquez pas ce rendez-vous. On avait évoqué Époque de plomb aussi au travers de la participation de Floria Souchet aux côtés du trio Clume, le projet musical qui fait également l'actualité. Et là aussi, on vous en a parlé puisque Clume se produira très prochainement. Hein. Ils ont une grande tournée d'ailleurs entamée là, pour cette fin d'année, dont un passage en région, dans la Haute-Loire, qu'elles affectionnent particulièrement aussi. Ce sera le 10 novembre prochain, on aura l'occasion d'en reparler, où elles partageront l'affiche avec Raffu. Ça se déroulera à la MJC de Monistrol-sur-Loire, dans le cadre du festival Les Oreilles en Pointe. Je ne l'ai pas rappelé, la librairie L'une et l'autre se déroule 19 rue Pierre Bérard à Saint-Étienne pour cette rencontre donc de la poésie en feu dans une époque de plomb. Lecture rencontre avec Flora Souchier ce mardi 24 septembre à partir de 19h. Et puis vous annoncez encore ce qui se déroule actuellement, c'est-à-dire l'événement AMAP en fête dans tous les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Un événement commencé le 16 septembre dernier, il y a quelques jours, jusqu'au 16 octobre prochain. Chaque année, pendant un mois, les groupes AMAP et les fermes en AMAP, alors ce que l'on appelle AMAP, c'est Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, organisent donc une multitude d'événements pour se faire connaître, bien sûr, encore et toujours besoin, et puis créer surtout de la convivialité. C'est aussi un registre important des AMAP. Alors des portes ouvertes, des visites de ferme, des repas partagés, des ciné-débats, des ateliers, des conférences. Bon nombre d'animations sont prévues sur l'ensemble du territoire jusqu'au 16 octobre prochain avec une thématique qui répondent finalement à ce qui a pu se dérouler en ce début d'année 2024 et qui est d'ailleurs encore à l'ordre du jour. Pression est un peu donnée là, vous le savez, un nouveau ministre en poste ou qui prennent leur poste. Après les croissants de ce matin, il va s'agir de se mettre véritablement au boulot pour ce conseil des ministres du jour. Et donc, en tout cas, pression est donnée par notamment les syndicats agricoles et qui rappellent ces mobilisations autour des diverses revendications qui ont eu un écho un peu fort, retentissant un peu partout en France, mais bien au-delà et aussi un peu partout en Europe. Vous savez que depuis 50 ans, le nombre de paysans et paysannes est en chute libre, les campagnes se vident, et c'est le résultat aussi d'une politique agricole qui n'encourage pas forcément à rejoindre la profession, qui pousse les fermes à s'agrandir, à s'industrialiser ou à disparaître. C'est aussi le pendant inverse, bien sûr. Alors, depuis plus de 20 ans, le mouvement des associations pour le maintien de l'agriculture paysanne œuvre à la garantie, justement, d'une rémunération juste ou digne pour les paysans et paysannes. Et c'est ainsi que ces réseaux, ce réseau AMAP, rassemble des producteurs, productrices, des fermes et des consommateurs, consommatrices. Et donc ils sont très nombreux, 15 000 en Auvergne-Rhône-Alpes pour les AMAPiens et AMAPiennes, et 1000 fermes environ concernées dans notre région. Donc c'est un système qui agit à la fois sur les enjeux de rémunération des paysans et paysannes et de protection de l'environnement et d'alimentation durable. Donc au menu, ou en tout cas en thématique phare de cet événement AMAP en fait en région, revenus paysans et respect de l'environnement, justement, jusqu'au 16 octobre prochain. Vous avez tout le détail de la programmation sur un et via ce site dédié, amap-en-fête au pluriel pour fête.org, amap-en-fête.org. Avec bon nombre d'événements proposés, alors vous les rappelez par exemple pour quelques-uns, la MAP de Feur qui fait justement une fête de la MAP et de l'alimentation ce mardi 24 septembre. Les portes ouvertes à la MAP de Chaplon, Saint-Étienne à la Micalec de Chaplon, rencontre avec les paysans paysannes également ce 24 septembre. Une conférence et une rencontre autour d'un ouvrage qui est attendu ce 26 septembre, c'est Jardiner dans les ruines, présentation et échange autour de ce livre du même titre, Jardiner dans les ruines, avec l'autrice Bertie d'Aragon. Ce sera ce 26 septembre à 20h30 à l'Amicale laïque de Beaubrun, et c'est un rendez-vous également conjoint avec le Remue-Ménage de Saint-Étienne. Bref, bon nombre de rendez-vous jusqu'au 16 octobre prochain. N'hésitez pas à aller sur le site amap-en-fête.org et dans le filtre département, vous sélectionnez Loire et vous aurez tous les rendez-vous locaux qui vous attendent. Voilà pour l'événement AMAP en fête en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et pour faire transition, justement, et sans vilain jeu de mots, eh bien autant vous annoncer cet événement finalement assez en lien, qui ne porte pas véritablement sur la question alimentaire, mais sur la question du respect de l'environnement, ça c'est certain. L'événement ciné-échange rencontre autour du film documentaire La Rivière. C'est un rendez-vous qui est proposé ce mardi 24 septembre, un film que l'on voit beaucoup à l'affiche actuellement. Mais vous connaissez ce lieu, tiers-lieu agricole local dont on vous parle régulièrement sur cette antenne, qui est le Treuil, qui regroupe justement bon nombre d'acteurs du milieu agricole. Les AMAP en font partie, les Amis du Treuil, et notamment basé du côté de Saint-Galmy. Mais alors ça va se dérouler justement et précisément dans la plaine du Forêt, en tout cas du côté de Saint-Just-Arambert, au Family Cinéma, pour cette rencontre autour de ce film documentaire La Rivière. Ce 24 septembre à partir de 20h30, dans le cadre notamment du projet Partageau, puisqu'il est question effectivement d'aborder cette question de l'eau, pour reprendre un peu le synopsis du film, entre Pyrénées et Atlantique coulent des rivières puissantes qu'on appelle les gaves, et les champs de maïs les assoiffent. Les barrages bloquent la circulation du saumon, par exemple. L'activité humaine bouleverse le cycle de l'eau et la biodiversité de la rivière, et des hommes et des femmes tendent leur regard à la fois curieux et amoureux vers ce monde assez fascinant, fait de beauté et de désastre. La Rivière, c'est donc ce documentaire qui tourne actuellement. Et le film de Dominique Marchais sera projeté, suivi d'un échange avec le collectif Partageau. Donc pour ce rendez-vous, c'est ce mardi 24 septembre à 20h30 au Family Cinéma de Saint-Just-Arambert. Ce film va continuer à tourner et fait l'objet de nombreuses rencontres et donc de nombreux échanges. On aura l'occasion d'en reparler sur le 895 de Dio avec le collectif Partageau, qui notamment va organiser son deuxième forum de l'eau, qui se déroulera le 16 novembre prochain. Donc j'aurai l'occasion de vous en reparler d'ici là sur le 895. On en profite pour faire à nouveau, tout en transition, une petite proposition musicale. Pas un bruit, c'est un nouvel album, limpide, comme la rivière ou presque. Elles sont précisément toutes quatre fermant les yeux dans une rivière calme. Pas un bruit, album de Bacchante, qu'on apprécie particulièrement sur cette antenne, qu'on avait découvert il y a 3-4 ans de cela, emmené par Amélie Grosselin, Claire Grupalo, Astrid Radic, Faustine Selman, quatre femmes, voix, guitare électrique, guitare acoustique, harmonium indien, flûte irlandaise, kalimba, auto-harpe, flûte traversière, clavier, percussion, piano et autres. Bacchant est de retour avec ce nouvel album qui ne paraîtra que le 11 octobre prochain. C'est véritablement une petite exclusivité 895 Dio. Ça sortira via le label Figure Libre Records. Bacchant, l'album Pas un bruit, que je vous propose de découvrir, et bien justement avec ce très beau titre intitulé et titré donc Aux Fontaines. C'est Bacchant sur le 895 de Dio dans des mots des sons sans cible. Bacchant, Aux Fontaines, l'album Pas un bruit sortira dans quelques jours, début octobre prochain. Des mots des sons sensibles sur le 895 de Dio à propos de Rivière. Peut-être avez-vous sillonné ce week-end le Pila, côté Gier, côté Valangier, côté Barrage du Pinet, et peut-être avez-vous pu découvrir cette gigantesque fresque des artistes Ella et Pitre. Vous savez, qui ont, avec aussi à nouveau hein, cette monumentale fresque, eh bien, habillé justement ce barrage du Pinet autrement dans le cadre des Journées du Patrimoine qui se déroulaient ce week-end. Ella et Pitre, justement, à l'honneur dans ce programme, non pas pour évoquer ces journées du patrimoine, quoique la Comédie de Saint-Étienne ouvrait ses portes également pour en faire visiter les coulisses. Mais surtout, la Comédie de Saint-Étienne proposait fin de semaine dernière, vendredi, son lancement de saison, avec au cœur aussi de ce lancement de saison, eh bien, précisément le duo Ella et Pitre, que l'on connaît très bien, actualité locale et internationale pour le duo. On avait eu quelques nouvelles fresques, justement, du Japon, d'Osaka, de Berlin, en Allemagne. Plus localement aussi, une exposition qui s'est précisément bouclée vendredi 20 septembre dernier. Exposition d'Ella et Pitre qui était située 8 rue des Creuses depuis le mois de juin dernier. La première pierre, petite exposition de béton. Eh bien, Ella et Pitre font de nouveau l'actualité avec effectivement ce lancement de saison du côté de la Comédie de Saint-Étienne, puisque deux créations ouvriront la saison de la Comédie. Tout d'abord Benoît Lambert, qui va présenter sa première création au jeune public au début, qui sera jouée du 10 au 22 octobre prochain. Et puis donc, date croisée mais véritablement ouverture de saison avec Ella et Pitre pour un spectacle. Fermez les yeux, vous y verrez plus clair. Fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles. Justement, vendredi, nous étions à la Comédie à la rencontre d'Ella et Pitre pour nous parler de leur parcours, de leur actualité et de cette création en cours et en processus de travail. Ils accueillaient le public pour ce lancement de saison vendredi au plateau pour leur préparation décor avant la toute dernière ou le tout dernier temps de résidence de 2 semaines avant la représentation et les représentations qui vont débuter le 8 octobre avec un travail, une résidence qui précisément démarre ce jour, ce lundi 23 septembre. Bref, rencontre, entretien, large entretien auprès d'Ella et Pitre, donc réalisé vendredi dernier à la Comédie de Saint-Étienne. Fermez les yeux, vous y verrez plus clair. Voilà, c'est parti. On est bien là sur les chaises longues, Comédie de Saint-Étienne, avec Ella et Pitre. Voilà, le fameux duo, le binôme, installé étrangement à la Comédie de Saint-Étienne. Alors c'est marrant parce qu'on discutait un peu en off là, en arrivant, en s'installant pour cette interview, de un peu des fois ou occasions qu'on a pu avoir de se croiser. Et on parlait d'art de rue, de la rue à la scène, grande scène et institution qu'est la Comédie de Saint-Étienne aujourd'hui. Ça fait un sacré drôle de chemin parcouru. En même temps, c'est un peu chez nous, la Comédie de Saint-Étienne. On est parti un peu de là, au début. C'est-à-dire de quelle manière ? Ben, moi, j'étais à l'école de la Comédie de Saint-Étienne. Pitre, il a fait des décors pour la Comédie de Saint-Étienne à l'époque où on s'est rencontrés. Du coup, on connaît la maison, quand même. Oh ben, c'est même franchement la maison, alors oui, en effet. Donc c'est un peu un retour, ouais, quasi aux sources. Même une belle, un bon retour aux sources et une belle revanche sur notre histoire avec la Comédie. Parce qu'on est parti en mauvais termes, c'est pas du tout la même comédie. Et du coup, c'est agréable de pouvoir revenir et de pouvoir faire enfin ce qu'on avait envie de faire depuis très longtemps, en fait. Qui était dans les tuyaux et qu'on prenait jamais vraiment le temps de faire parce que c'était une envie forte, mais que le dessin, il a pris tout de suite beaucoup de place pendant des années. Et de fil en aiguille, ça a pris de plus en plus de place. Et puis du coup, ce projet de spectacle, il restait comme un truc qu'on ferait un jour. Et puis un jour, on s'est dit, bon là, c'est peut-être le moment de se décider vraiment à consacrer un vrai temps à ça, parce que sinon, ça restera juste de l'ordre du rêve. Et donc, on s'est posé pendant 2 ans pour réfléchir à ce projet, quoi. En gros, par intermittence, hein. Ça a été des résidences en pointillés sur 2 années, mais ça a maturé dans notre tête sérieusement pendant ces 2 années. 2 années, alors remontant encore même plus loin, parce que tu vous as vu qui est ce parcours initialement ici, en Sémur, et d'une autre comédie à l'époque. Alors si on remonte le temps, ça veut dire qu'on parle de quelle période et de quelle comédie pouvait s'agir à l'époque. Puis tu veux répondre ? Tu parlais de notre revanche sur la comédie, c'était par rapport à quoi ? Par rapport au fait que je me suis fait virer de la comédie par Jean-Claude Berruti, parce que j'étais enceinte. Et que du coup, ça fait plaisir de revenir avec des nouvelles équipes qui ont largement évolué aussi au niveau de la mentalité. Et puis, il y a MeToo qui est passé par là. Et que du coup, c'est des choses qui sont inimaginables au jour d'aujourd'hui. Et que c'est chouette de pouvoir faire ça dans des bonnes conditions. Donc là, on parle de quoi ? Il y a 10 ans à peu près, une décennie passée ? 15 ans même, 15 ans, ouais. des enfants aussi dans ce parcours. Enfin bref, on n'est pas là pour parler non plus que de vie privée, bien sûr. Mais c'est intéressant de revenir sur ce parcours quand même, parce que, étrangement, tu dis le dessin a pris le pas, et on a l'impression de vous voir que sous cet angle et pendant là, quoi, finalement. Votre reconnaissance aujourd'hui, elle est sous cette forme-là artistique. Mais c'est rigolo parce que tous les deux, on avait vraiment un rapport à la scène, en fait, à la base, quand on s'est rencontrés. Et tous les deux, on avait aussi Pitre, le graffiti, depuis son adolescence, qui était toujours là aussi et qui prenait une grande part de sa vie. Et moi, le dessin qui m'accompagnait depuis enfant, en fait, toujours dans toutes les formations que j'ai faites, j'avais toujours comme appui le dessin. Quand je faisais du cirque, ça me servait à faire mes petits storyboards de numéros. Et puis quand je fais du théâtre, à penser aussi mes projets par le dessin. Et finalement, c'est là-dessus qu'on s'est rencontrés, mais avec tous les deux un rapport à donc Pitre avec KNX, et moi avec le cirque et le théâtre, que j'étais partie pour faire de ça mon métier. Alors, une chose que vous avez laissée véritablement de côté, quand vous vous êtes retrouvés finalement sur ce projet commun et que vous avez décidé d'en faire votre voix finalement, le théâtre, tu l'as complètement laissé. La scène, je me rappelle de projets un peu obscurs et anonymes que tu as pu continuer musicalement, Pitre. Mais c'est quelque chose de très sporadique et de très parallèle. C'est encore là ou non ? Oui, ça a été en pointillé quand même. Ça ne nous a pas totalement quittés aussi parce que du coup, on a beaucoup de connexions dans ces milieux-là et que du coup, on a participé à des formes de performance et des choses comme ça, mais de façon très... des projets qui se construisent sur un truc très spontané comme des impromptus, alors que là, c'est un projet vraiment construit, quoi. C'est un truc, comme dit Ella, qui a toujours existé dans notre travail. Et même quand on peint ou qu'on fait que ce soit des géants sur des toitures, des toiles ou du collage dans la rue, en fait, on a toujours une façon de penser où on se dit « Ah, ça, ce serait trop beau sur scène ». Du coup, ce spectacle ne sort pas de nulle part, en fait. Sur 15 ans de travail ensemble, on a toujours pensé les choses pour qu'il y ait un aspect aussi spectaculaire aux choses. Ne serait-ce que, je sais pas, les vues aériennes de nos dessins, c'est quand même une mise en scène de nos dessins où on a utilisé des drones. On était au début du drone et du coup on a sauté sur l'occasion pour utiliser cette technique, pour changer le point de vue et pour mettre en scène ces dessins d'une façon un peu insolite, quoi, qui n'était pas utilisée à l'époque. Quand on a commencé à détruire nos dessins avec les explosions, il y avait tout un truc où c'est pareil, c'était une façon d'avoir un travail de peinture mais qui ne s'arrête pas à la peinture, qui va au-delà et qui devient une performance. Et du coup là sur le spectacle, en fait, c'est un peu ça aussi, c'est comment construire et déconstruire des dessins, peindre avec des matériaux pas forcément utilisés en peinture, je sais pas, faire des recherches, avoir des accidents de peinture et puis voir ce que ça donne. Donc non, ça, on a toujours vécu comme ça, hein. Et comme tu disais tout à l'heure, on avait fait cette carte blanche au verso, où déjà on avait ce rapport-là aussi avec... on n'avait même pas peint d'ailleurs sur cette carte blanche, c'était que des performances un peu de physique, mais sans dessin. Hein. J'ai pas le souvenir qu'il y avait... En fait, je crois que le sujet, c'était qu'on avait demandé à plein d'amis proches à nous qui étaient soit circassiens, soit comédiens, soit performeurs, soit danseurs et tout, de partir de notre univers dessiné, de nos personnages et de les interpréter en tant que personne vivante. J'ai plus trop de souvenirs non plus, moi. Je ne sais plus de quand ça date, mais j'ai la mémoire qui flanche. Cabaret de curiosité, enfin, comment on dit, cabaret en fait, où il y avait plein de petits numéros qui s'enchaînaient un peu absurdes autour de notre univers, quoi. Alors, pour parler de cette nouvelle pièce, rappelez d'abord comment elle s'intitule pour y voir plus clair, justement. Elle s'appelle « Fermez les yeux, vous y verrez plus clair ». Donc les sens sont sollicités d'emblée. Comment vous vous êtes attaché, sous quel angle vous avez attaqué ce projet, quoi, finalement, mûri, réfléchi depuis, alors sporadiquement comme tu le disais, là, mais depuis quand même plusieurs mois, voire années. Par quoi on a commencé ? On a testé énormément de choses, on est passé par des chemins mais tellement alambiqués pour finalement venir à cette forme-là que j'arrive même plus à me souvenir dans quel ordre ça a commencé. On avait plein d'envies en fait, on a essayé plein de choses et au début en fait on était un peu coincé parce que c'était des envies, on s'est rendu compte après que c'était plutôt des envies d'installation mais que ça faisait pas théâtre, il n'y avait pas de tension dramatique qui se crée. Du coup, on a été obligé de faire le deuil de tous ces trucs-là, de les essayer, de les épuiser tous les uns après les autres, pour finir par comprendre qu'en fait, il fallait quand même qu'il y ait une tension dramatique. C'est comme ça qu'on dit au théâtre, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'enjeu quand même qui se tende pour que le spectateur soit tendu vers ce qui se passe au plateau, quoi. Et donc finalement, on a fini par trouver, je ne sais pas comment, intuitivement, une espèce de succession de scènes de peinture qui sont comme, moi je dirais, un peu cathartiques, dans le sens où on cherche à faire des actions à la place des, comme si c'était les actions qu'on a tous trop envie de faire et on met jamais les choses en place pour pouvoir les faire. Et ben nous, on s'est payé le luxe de tout mettre en place pour pouvoir les faire et jubiler de ces actions de peinture. Et donc ce qu'on chercherait peut-être à provoquer chez le public, c'est que ça le fasse jubiler comme nous et qu'il ait presque envie d'être à notre place sur le plateau pour faire ses actions, et on les fait pour lui, quoi. Après, dans la construction du spectacle, il y a quand même un rapport hyper chronologique dans la façon de peindre, où au final on est hyper contraint aussi par les supports qu'on utilise et le temps de séchage des peintures. Donc en fait, le casse-tête, c'était un peu ça aussi, on voulait faire tellement de choses différentes qu'il a fallu faire des choix et on a viré certaines choses qu'on utilisera dans notre prochain spectacle. mais du coup, ouais, on a fait des choix juste parce que dans l'ordre des choses, on était obligé de virer certains trucs, sinon ça rentrait pas, quoi. Mais après, ça part vraiment dans tous les sens, quoi. Moins maintenant parce qu'on a fait une sélection, mais sinon ça partait un peu dans plein d'idées différentes, quoi. Alors je t'avoue que là, moi je n'ai pas vu de travail en cours, donc j'ai aucune idée de la chose. Et j'ai même du mal à voir comment ça va pouvoir se matérialiser, quoi, se concrétiser. Donc sans révéler, comment peut-être arriver à nous indiquer ce vers quoi vous tendez, ce vers quoi vous voulez nous inviter aussi. On imagine de par ces contraintes, quoi, des tableaux comme on le voit souvent au cinéma ou au théâtre, qui vont aussi peut-être défiler durant cette performance. Enfin, comment ça va se concrétiser ? Eh ben, déjà l'idée de base, de tout début, ça a toujours été de faire une succession de tableaux vivants. Enfin, de tableaux, c'est-à-dire de tableaux vivants, mais dont nous, on serait aussi les personnages dans le tableau. Et du coup, je dirais qu'en gros, il y a comme 5 tableaux vivants qui s'enchaînent, 5 parties de peinture, on pourrait dire, comme des parties de jeu, quoi, sauf que c'est des parties de peinture qui vont s'enchaîner les unes après les autres et qui sont ponctuées par des formes de cérémonie ou de mise en place du cadre pour pouvoir ensuite jouer à la peinture dedans. Donc la peinture, enfin le. Sans dire trop, ça fait comme ça, quoi. Ouais. En fait, on va vous voir à l'œuvre. Oui, exactement. On va nous voir à l'œuvre. Ouais. On va nous voir à l'œuvre, mais on n'est pas sur un mur dans la rue, donc ce sera pas forcément les images que les gens ont l'habitude de connaître quand ils se baladent dans les rues ou qu'ils voient notre travail sur Internet, quoi. C'est-à-dire au-delà de la figuration, enfin des personnages, des. Ouais. Non, mais après c'est aussi ce qui nous intéresse, c'est que je pense qu'il y a plein de gens qui vont soit arriver en se disant « Ah bah c'est cool, ils vont faire des grands bonhommes et des machins trucs », et d'autres qui vont vraiment se demander qu'est-ce qu'on va tourner, qu'est-ce qu'on va peindre sur un spectacle d'environ une heure, où forcément on va pas être sur le même support pendant une heure. Et c'est là où nous on a nos petites parades justement pour rebondir sur différents supports, et à côté de ça, il n'y a pas que de la peinture, il y a aussi un échange entre nous deux, entre le plateau et le son, parce qu'il y a quand même beaucoup de son aussi, ça fait quand même une grosse partie du spectacle, et de la lumière, plus des effets un peu spectaculaires, magiques, qu'on a travaillé avec Gérard Majax, pour ceux qui connaissent. Et donc en fait c'est un mélange de tout ça qui crée aussi un peu l'atmosphère et l'épître, avec de l'humour, des choses pas forcément attendues dans ce qu'on a l'habitude de faire nous dans la rue, quoi. De l'encre dans les veines, du sang dans le marqueur, graffiti way of life, on connaît par cœur. On fermait sa vie dans 400 millilitres, elle envoyait dans ta face comme une caillasse dans une vitre. Mouvement mouvements tentaculaires, autant discret que spectaculaire. Une overdose de couleurs dans tes globes oculaires, aucune règle. La peinture nous colle oculaire, saturée de pigments, provoque la joie et la colère. Tout commence à l'école, car les cours sont ennuyants. On vit de Krylon, de Sparvara, à la spray canard. T'insolente passion, aux saveurs de solvant. On y pense en se couchant, autant qu'en se levant. Main crade, tête cramée, colorée par les produits chimiques. Des cicatrices brûlantes, pleines de white spirit. J'ai les narines chromées, près du périphérique. Assoiffé sans sommeil, assommé de fatigue. On voit la vie en couleur, un mirage. On imagine notre ville comme un livre de coloriage. Ils font des tags sauvages, sale gosse, docteur. Y'a des fantômes, de l'étrange à la Ghost Buster. Tape des top to bottom, des panels ou des walkers. Vodka, Red Bull, Coca et Johnny Walker. Le wagon passe, t'as des holkers. Et bah il prend des clichés voyeurs camouflés dans un taillis. C'est plus fort que nous, maladif et notoire. Accro noir et chrome, gros toxicolore, les nerfs à vif. Subway art comme bip, le béton est imbibé, subversif et sauvage. Mais fallait pas l'inviter, car il te prend par les tripes. Il te colle à la peau et t'envoie chez les flics. Au mieux dans un black book, au pire dans un trou. S'accroche à la ville et traîne en croûte. On kiffe le ciel noir et le crissement des trains, les sons stridents et le silence des gares, les reflets d'acier sur la droiture de vos rails. On signe enragé dans la grisaille de vos règles, l'arrogance de nos actes est gênante. Les gens effacent nos traces et dénoncent. On accuse la jeunesse et le manque d'éducation, le non-respect des lois face au mur de ta nation. Euthanasie et le tag, tu rêves mais bon courage. Nous on grave, on raye quand le paran est à court d'encre. Faites des mains courantes, allez porte et plainte. On sera crade et coulant sur vos portes peintes. Insomniaque et schizo, nuit blanche et colorée. Hors la loi qui ose trop défier l'autorité. Autoroute, VF et tram, mais qu'est-ce qu'ils ont tous ces jeunes, terrain de jeux interdits. Les vieux ne pigent rien, c'est par amour du risque, pour le plaisir d'écrire un cri, un appel au crime et le désir d'être libre, l'expression la plus pure du besoin d'exister. La pression d'un spray persiste et signe. Quelques coups de Montana, c'est tout. Et pour quelques minutes, le monde est à nous. Quelques coups de Montana, c'est tout. Et pour quelques minutes, le monde est à nous. KNX Gang, KST, DMK. Des mots, des sons sensibles, 895 Dio. Fermez les yeux, vous y verrez plus clair. Avec Ella et Pitre. On roule au pif sans savoir où aller. On est cool, on plane, déchire les voilés. Viens, on va voir le monde ensemble. On a la force du nombre. Mais avec le travail plastique quand même qui est au cœur de ce projet-là, que vous avez pu répéter, parce que même si plastiquement vous allez peut-être travailler sur un registre sur lequel en tout cas, on n'a pas l'habitude de vous retrouver, vous avez travaillé, préparé, répété, écrit même, je dirais, quasi les choses, au-delà donc du plastique, j'imagine, par les échanges, par le jeu, par accompagné, en autonomie, comment... Bah oui, vraiment, en autonomie, c'est peut-être un peu l'erreur qu'on a fait sur ce premier projet, c'est de penser que, en fait, jusqu'à maintenant, on a toujours fait tout nous-mêmes. On a tout bricolé nous-mêmes. Notre vie, elle est toute bricolée comme une cabane, rafistolée, machin, mais tout par nous-mêmes. Et en fait, là, il y a quand même cet aller-retour de ping-pong avec le public qu'on n'avait pas assez anticipé. Et du coup, on s'est dit, on sera capable de tout faire nous-mêmes. Et en fait, d'être au plateau et de se rendre compte de ce qu'on est en train de faire au plateau, c'est, pff, moi, ça me semble assez impossible, finalement, après 2 ans de galère de, par rapport à ça. Et donc, si c'était à refaire, je pense qu'il faudrait qu'on ait une tierce personne qui soit là du début à la fin, comme renvoi au moins. Regard extérieur, parce que là du coup on a eu deux amis principaux qui sont venus de temps en temps sauver le bateau in extremis, 3 jours par-ci, 3 jours par-là, puis un autre ami 4 jours par-ci qui va revenir la semaine prochaine, mais ça s'est fait comme ça en bricolade un peu avec les gens qui étaient dispo au moment où on le faisait et tout ça, et du coup il y a eu plusieurs regards extérieurs quoi, et un peu du coup décousu quoi dans le temps. Mais ça ressemble bien à notre façon de travailler, du coup, au final. Ouais. Où on aime bien être hyper autonome et pas forcément là où on devrait être. Et donc là, on a voulu un peu faire nos propres regards extérieurs, mais en fait, c'est impossible de voir ce que ça donne si t'es pas dans le public. Et comme on est sur le plateau en train d'essayer, on voyait pas. Donc c'est bien, on est passé par plein de d'orages et de coups de tonnerre qui nous ont amenés à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et je crois que grâce au regard qu'on a et à notre acharnement, on a fini par y arriver. C'est quand même une chose assez insolite aussi de retrouver ça à la Comédie Saint-Étienne, parce que, alors certes, c'était un petit peu votre objectif et intention depuis longtemps apparemment, mais retrouver un travail de cette nature-là en ces murs, c'est quand même pas habituel, je dirais. Ça fait pas partie de l'ordre peut-être classique des choses de participer pour un lieu comme celui-ci à une diffusion d'œuvres plastiques. Essentiellement, en tout cas, ouais. Ça, je me rends pas trop compte. Je connais pas assez bien les programmations de la Comédie de ces dernières années. Mais peut-être, je sais pas, j'ai pas de recul. Le spectacle-là qui est passé, là. Ouais, c'est ça. Où c'était un spectacle clairement plastique. Il n'y avait pas que ça. Mais, et puis. Ils sont des gros interprètes depuis très longtemps de clowns, de danse, de cirque. Du coup, c'est quand même, ça a une part beaucoup plus importante que presque la peinture. Mais c'est vrai qu'ils ont un décor qui est très présent, quoi. Et une esthétique qui prend beaucoup de place dans leur projet. Mais nous, c'est plutôt l'inverse. C'est quand même d'abord l'aspect plastique et peinture. Oui, c'était ça que je questionnais. Parce que l'interdisciplinarité, on la voit effectivement, on la voit assez de façon courante aujourd'hui hein, dans les œuvres proposées, mais... Après, on a quand même fait le choix de ne pas avoir de vidéoprojection. Chose qui au final, je ne sais pas combien il y a de spectacles de peinture et si on a vraiment tant que ça, parce que c'est souvent des performances en fait, c'est plutôt... un musicien ou quelqu'un qui fait une lecture et des gens qui peignent sur scène, mais des spectacles purs et durs de peinture, je sais pas s'il y en a énormément, et quand il y en a, souvent ils sont souvent boostés par de la vidéo. On n'avait pas envie qu'il y ait de vidéo pour que ce soit assez brut aussi et qu'on n'ait pas de contraintes techniques et technologiques à gérer. Et parce que ouais, c'est vrai que ça nous ressemble plus d'être dans un rapport assez frontal avec la peinture et qu'on n'avait pas envie forcément d'agrémenter ça en vidéo, quoi. Il y a un rapport réel aussi, enfin pas mis en scène pour le coup, où l'acte de peinture il reste pour le coup là il reste pur. À chaque fois on le fait pour de vrai dans la vraie temporalité de la peinture et tout ça, quoi. Il y a pas d'arrangement ou de tricherie ou de magie à l'endroit de la peinture, quoi. Elle est brute, quoi. D'où ma question tout à l'heure de savoir s'il y avait eu un temps de travail, de création, de résidence, de préparation. Vous avez déjà peint dans l'idée de ce que vous allez aussi là proposer. Ouais, on a peint et re-repeint toutes ces scènes de peinture. On les a faites et re-refaites. Ouais. Ouais, on a été quand même hyper soutenu et par la Comédie de Saint-Étienne qui nous a mis à dispo. À peu près 6 semaines de résidence où on a pu vraiment travailler dans des conditions optimales et puis on a été soutenu par le bateau feu à Dunkerque, par le théâtre Les 3T à Châtellerault, et on a tout démarré vraiment le tout début, c'était au théâtre de Tardy, tout simplement. Une session à Firmini et une session à Sorbier. Donc en gros, on a quand même eu un soutien hyper important des théâtres régionaux et au-delà de ça, d'autres théâtres comme Dunkerque ou Châtellerault, quoi. Mais donc c'est vrai que je pense qu'on est un peu des ovnis au milieu du réseau de théâtre et qu'il y a peut-être un truc comme ça où on a eu la chance d'avoir ces trucs-là, ces aides-là, parce qu'on est arrivé par une autre porte. Qui est la peinture, quoi. Oui, c'est assez atypique dans le parcours classique, ce qu'on disait aussi d'une maison comme un centre dramatique national en fait. C'est-à-dire d'avoir on pose un projet, on a des moyens, on crée. Alors que là, vous avez réussi à vous débrouiller autrement, mais ce que vous disiez un peu de ce que vous êtes finalement, hein, un peu par vos propres moyens, vous avez fédéré différemment, quoi. C'est ça. Dans tous les cas, on avait quand même foncé tête baissée sans même savoir où on allait pouvoir bosser. À part au théâtre de Tardy, qui nous avait dit « allez-y », mais en fait, c'est beaucoup trop petit. Et c'était bien pour démarrer, quoi, mais... Les premières recherches, un peu les balbutiements du truc, c'est bien, parce qu'il n'y a personne, le truc est totalement vide, et du coup, il n'y a pas de stress. Mais après, très vite, on a eu des besoins techniques et tout ça, et du coup, c'était compliqué de continuer vraiment. Mais si on n'avait eu aucun théâtre comme ça qui pouvait nous accueillir avec des vrais outils de théâtre, je pense qu'on aurait fait une autre forme en fait. On aurait fait un truc beaucoup plus simple peut-être, beaucoup plus libre. Mais ça pose la question de l'économie aussi, de votre travail là aussi. Oui. C'est-à-dire comment vous l'avez mis en place, ce projet-là. Je ne parle pas de votre statut de peintre, et de... mais comment on met en place un projet tel que celui-ci. Vous avez quand même un budget dédié. À la base, justement, on pensait le faire vraiment en toute autonomie, même financière. Et du coup, je pense qu'il aurait été peut-être encore différent s'il n'y avait pas eu tous ces soutiens qui se sont ajoutés au fur et à mesure. Mais de toute façon, malgré tous ces soutiens, malgré le fait qu'on joue sur un plateau qui a 16 mètres d'ouverture et tout ça, nous, on garde la contrainte qu'il faut que tout le décor rentre dans notre petit Mercedes Sprinter, que c'est nous qui allons conduire et tout ça. Et comme ça, on reste hyper autonome et c'est pas lourd. Et même écologiquement parlant, ça n'a plus vraiment de sens de penser des choses gargantuesques. Sur les scènes actuelles, je trouve qu'il faut aussi penser le décor et tout ça comme des choses qu'on peut réutiliser quand même au maximum, qu'on puisse plier simplement dans des petits véhicules et tout ça, quoi. Et alors, je me demandais aussi si ce spectacle-là qui va être créé et proposé à la Comédie Saint-Étienne va faire l'objet, est-ce que c'est une sorte d'acte brut et éphémère aussi dans l'idée, c'est-à-dire qu'on va le voir... durant cette période-là de diffusion, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être amené à être rejoué et donc être diffusé, tourné ? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de cette façon-là ? L'idée de base, c'était d'avoir notre petit spectacle qui va grandir avec nous et qu'on aura dans notre valise en plus de ce qu'on fait d'habitude en tant que peintre, dessinateur, quoi. On voulait avoir ce spectacle en plus en poche. Et pouvoir le jouer même quand on serait vieux et tout ça, et qu'il évolue aussi avec notre évolution et notre façon de prendre de l'âge. Du coup, c'est un spectacle qu'on a pensé comme un truc qu'on aimerait qu'il continue d'évoluer tout le temps et de bouger tout le temps en fonction de notre évolution à nous. Et donc, dans l'idée, ça serait plutôt de le tourner, si on peut, on verra en fait. S'il est bien, il tournera. S'il n'est pas bien, il ne tournera pas. Là, ça va être un peu le crash test à la comédie, quoi. C'est aussi le lancement de saison 1 de la comédie que vous allez largement occuper, enfin en place ce soir, parce qu'il y a des... Alors j'ai pas tout saisi d'ailleurs dans votre... Il y aura de la participation, vous allez encadrer un peu des temps de peinture aussi, non, il y a pas... Non, nous on va être au plateau en train de préparer justement notre décor pour commencer la résidence de 2 semaines, la dernière ligne droite avant les premières. On commence lundi à travailler pendant 2 semaines avant la semaine de représentation. Donc là on met tout au point pour que lundi on puisse vraiment attaquer le travail justement au plateau. On assiste juste ce soir, enfin pour le public, à la mise en place, quoi, finalement. Oui, en fait, la salle reste ouverte et les gens peuvent passer et circuler et voir ce qui se met en place, quoi. J'imagine que vous êtes dans un agenda aussi un peu de folie. Juste pour terminer, est-ce que au-delà de cette... Alors ça, c'est l'objectif là, très prochain et le plus proche que cette création. Est-ce qu'il y a d'autres choses en cours ? Il y a eu beaucoup de choses, hein. Là, on vous a vu un peu à l'international, à nouveau. On vous a vu sur pas mal de créations locales, dans des écoles. Je pense aux francs-maçons. Il y a eu le collège aussi, Marc Seguin, l'année dernière. Enfin, voilà. Est-ce que vous êtes pris encore dans ce rythme infernal ? Alors, il y a une espèce d'état général où j'ai l'impression qu'on commence à avoir envie de ralentir et de décroître un peu dans la société, mais post-Covid, j'ai l'impression. Et après, nous, on a une superstition de jamais parler des projets pas encore aboutis. Donc, on les garde toujours comme des surprises pour arriver toujours en surprise à droite et à gauche. Okay. Ça, c'est une bonne... c'est un bon mot de la fin. Eh bien, merci à vous, en tout cas. Merci à toi. Les artistes Ella Epitre, à l'instant, entretien réalisé ce vendredi dernier, 20 septembre, à l'occasion du lancement de saison de la comédie. Et vous l'avez entendu depuis aujourd'hui, lundi, Ella Epitre sont au travail encore pendant 2 semaines avant les premières représentations début octobre prochain. Voilà, c'est leur tout premier spectacle créé à la comédie de Saint-Étienne, le duo donc qui... eh bien, va nous proposer comme ça de partager leur travail, voire leur processus de travail, de mettre en jeu donc des situations de peinture comme il y a des situations de théâtre. Donc une œuvre transdisciplinaire, interdisciplinaire, comme on pouvait l'évoquer, en tout cas plurielle, associant comme ça le trivial à la poésie, et qui va explorer sous nos yeux différents supports. Une immense et captivante toile de jeu en scène, et donc l'occasion de découvrir le potentiel mot-clé, semble-t-il, spectaculaire et théâtral de l'acte de peintre et la épître, création tout public à partager en famille à partir de 7 ans. Fermez les yeux, vous y verrez plus clair. Jouez à partir du 8 octobre prochain jusqu'au 12, du mardi 8 au samedi 12 octobre, le mardi 20h, mercredi 20h, jeudi 14 et 20h, vendredi 14 et 20h, et le samedi pour la dernière à 17h, ce sera à la salle Jean d'Asté. Et la épître en lancement de saison, une création qui ouvre la saison de la Comédie de Saint-Étienne pour une autre création d'ailleurs, avec son propre directeur Benoît Lambert, pour sa première création jeune public. Là encore, donc, à voir, à découvrir en famille, spectacle création qui nous plonge dans les temps de la préhistoire, à l'aune des dernières découvertes scientifiques. Ça s'appelle Au début, ce sera joué du 10 au 22 octobre prochain. Voilà, plus d'infos, bien sûr, sur le site dédié de la Comédie de Saint-Étienne. Durant cet entretien, une proposition musicale que je me permets de préciser et créditer, puisque cela me semblait bienvenu de vous proposer ce titre, tout d'abord intitulé Graffiti Tox. Et oui, il est question de gaffe, de graffe et non pas de gaffe, de graffe et de peintre, et de peinture, sauvage ou de rue. Avec ce projet, on l'évoquait aussi durant cet entretien, plutôt anonyme, mais Pitre, voilà, avait aussi sorti ce projet-là, au-delà du KNX Crew, évoqué aussi durant cet entretien. Astro Blitz était le projet et cet album qui est paru il y a 10 ans de cela. Voilà, c'était Graffiti Tox, en illustration aussi de cet entretien auprès d'Ella et Pitre sur Duo. Et il est heure et temps de terminer ce programme des mots des sons sensibles avec quelques infos rapidement en forme d'agenda à vous rappeler et vous faire part. Pour exemple, allez en vrac, vous annoncez une rock'n'roll party, c'est la 32e qui va se passer ce vendredi à partir de 19h30 du côté de l'entrepôt café, place Jules Guedes, mais voilà, 32e édition tout de même, avec à l'honneur les Nerfs à Vif, une asso locale aussi qui fait force proposition sur la ville avec de nombreux concerts organisés. C'est toujours bienvenu, un prochain d'ailleurs avec les Spitters organisé le 11 octobre prochain me semble-t-il. Et voilà, si l'asso est en forme, les finances le sont un peu moins, donc l'occasion aussi de soutien. Et on va retrouver l'équipe des Nerfs à Vif, Jaco Shoot, Shark et d'autres, Star Grec également. Voilà, seule présence féminine pour cette soirée Rock'n'Roll Party ce vendredi 27 septembre à partir de 19h30. Vous annoncez encore autre registre. Ça se passera cette fois du côté de l'Opéra de Saint-Étienne. C'est cette fin de semaine, c'est ce samedi à partir de 20h, mais on voulait vous préciser cet hommage rendu au compositeur Astor Piazzolla en présence de deux monuments de l'accordéon, Richard Galliano et Félicien Brut, l'Orchestre Symphonique de Saint-Étienne. Voilà pour cet hommage à Astor Piazzolla, donc. Tango, jazz, musette et plus. L'œuvre est large et je dirais presque incontournable. Ça se passe donc à l'Opéra ce samedi soir. Pour poursuivre encore, par exemple, musique et concerts en perspective avec un autre lancement de saison. Nous étions à la Comédie vendredi, nous serons à la Comédie, non pas à la Comédie, mais sur la salle voisine, le Fil, ce jeudi à partir de 17h30 d'ailleurs, pour un rendez-vous presse, mais à partir de 19h30 pour le grand public. C'est le lancement de saison de la salle Le Fil, la salle de musique actuelle stéphanoise, pour une soirée gratuite, fête de rentrée, qui sera surtout l'occasion aussi d'inaugurer la nouvelle terrasse du Fil. Et oui, un nouvel espace extérieur avec scène, bar, food truck et autres coins de chill proposés. Il y aura les élèves de Looping, c'est-à-dire la programmation proposée au sein du Fil, avec de jeunes élèves qui suivent ce projet-là, une véritable école de production qui se déroule au Fil et qui vont proposer une petite restitution et travail de création. Et puis le groupe marseillais Social Dance également qui sera présent pour cette soirée, lancement de saison, ouverture du Fil et l'inauguration de cette terrasse donc ce 26 septembre jeudi à partir de 19h30. Et puis encore par exemple du cinéma en perspective avec l'ouverture là aussi du Grand Luxe, le cinéma indépendant Saint-Étienne, éclectique, électrique, le Grand Luxe, nouvelle session de visionnage et ça s'ouvre ce mercredi 25 à partir de 20h avec le film d'Elia Kazan Sur les quais que, il sera bienvenu de découvrir ou redécouvrir avec Marlon Brando notamment. film de 54 et ses nouvelles sessions qui va se poursuivre encore durant plusieurs jours au Grand Luxe, donc à Saint-Etienne. Toute l'info, programmation en détail de cette session de visionnage numéro 53, grandluxe.org. Et on aura l'occasion encore d'en reparler sur le 895 de Dio. Allez, on termine en guise de générique de fin avec une actualité musicale et discographique. Tiens, oui, on peut le dire. Et concert. On vous a déjà parlé de ce groupe qu'on affectionne particulièrement sur cette antenne. La boucle est bouclée avec d'ailleurs la proposition, en tout cas la présentation des découvertes Ferrarock dont je vous parlais en ouverture de ce programme pour l'album Dana, The Fun, qui est sorti ce 20 septembre dernier via le label Howling Banana, mais associé à Another Records. Et bien Another Records précisément a sorti cet album qui va être présenté officiellement cette fin de semaine, l'album de Satellite Jockey qu'on vous a déjà présenté et diffusé sur cette antenne. Alors Satellite Jockey, c'est une sorte de collectif assez fou qui est emmené par Rémi Richard. Et Satellite Jockey, diverses actualités. D'abord donc la sortie de ce dernier album, Satellite Jockey Plays Music, sorti via Another Records, distribué par l'autre distribution, qui fait l'objet d'une release party, donc une fête de sortie d'album, c'est cette semaine, ce 26 septembre, du côté du Périscope à Lyon, avec En attendant Anna, justement, comme quoi sont les Parisiens parisiennes en première partie. Et Satellite Jockey sera aussi en concert, puisqu'ils sont en tournée actuellement pour défendre ce nouvel album, un peu partout. Ils seront à Annecy ce 25 septembre, à Lyon le 26 au Périscope pour la release party. Ensuite, ce sera l'Allemagne, la Suisse et Saint-Étienne. Fait partie d'une étape de cette tournée. Ils seront à Saint-Étienne ce 27 septembre. Ce sera du côté de la Cale à Saint-Étienne, donc ce vendredi à partir de 20h30. Satellite Jockey, Azurite Sun, une pop de Villeurbanne. OI, si je prononce correctement, ambiante à la guitare, projet stéphanois a priori que je ne connais pas. Et donc Satellite Jockey, trois groupes à l'affiche, proposés par Multipère des Peuples et La Cale. Ça se passe à l'Amicale Laïque du Cré de Rock, La Cale, ce vendredi 27 septembre à partir de 20h30, 16 rue Royer à Saint-Étienne. On en profite pour justement, à l'occasion de cette entame de tournée et puis de la sortie donc, qui est fêtée cette semaine de cet album de Satellite Jockey Plays Music, d'en écouter un extrait. J'aime beaucoup ce titre, troisième plage de cet album, Toutes les recettes, que je vous propose donc de découvrir et d'écouter en guise de générique de fin de ce programme. Tout bon chez vous, portez-vous très bien, on se retrouve demain, même lieu, même heure, bien entendu. Ciao, bye. Thank you.